Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Révélation, révélation, révélation. Si vous n'avez pas encore lu le tome 7 Harry Potter et les reliques de la mort ou Harry Potter and the Deathly Hallows, éteignez cet épisode maintenant, ne l'écoutez pas, il va y avoir des révélations, des spoilers, arrêtez d'écouter maintenant. Merci. Et balancez-le dans la corbeille, là, vite, vite, vite. Ceci étant dit, bienvenue sur l'épisode 11, vous écoutez Potter Watch, et avec nous, nous avons tous les chroniqueurs habituels, à savoir... Rastaquer. Rente en plan, c'est moi. Et Red Hot Chili Peppers. Et moi-même, Rakam le Rouge. Avant de commencer, je voudrais remercier Skara et Bebop qui m'ont acheté un nouveau micro. Alors c'est le cinquième que j'utilise et il est nettement meilleur que les quatre précédents, ce qui fait que maintenant tous les auditeurs de notre podcast vont pouvoir se délecter en entendant ma voix normale et pas quelque chose de brumeux avec oui, un écho beaucoup. Et tout. Merci beaucoup à Skara et Bebop et je sais que beaucoup de gens vous sont très reconnaissants. Merci. Alors, au cas où vous n'auriez pas encore compris, cet épisode comporte des révélations. Révélations, ça veut dire des spoilers, ça veut dire qu'il faut que vous arrêtiez d'écouter maintenant, si vous n'avez pas encore lu le tome 7 de Harry Potter. Au pire, vous pourrez réécouter cet épisode dans quelques mois quand vous l'aurez lu. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de R tout ça, hein. Rythme, révélation, Rastaquer en temps Red Hot. Ouais. Faux théorie. Bienvenue dans la rubrique théorie, puisque c'est le premier épisode depuis la sortie du tome 7, Harry Potter and the Deathly Hallows. Nous allons tout simplement reprendre nos théories des 9 premiers épisodes et voir là où occasionnellement on avait raison et là où souvent on avait tort. Révélation dans le tome 7, on va faire « Oh, Rogue est gentil !» et tout le monde va faire « Oh oui, il était gentil !» Et voilà. Parce que on avait raison. Moi, et après, Rogue va mourir. C'est que ça avait quelque chose à voir avec Régulus. Parce que donc Régulus qui était peut-être assez proche de Snape, parce que de Rogue donc, oui. Ils étaient à Poudlard en même temps, ils étaient tous les deux un peu exclus par d'autres gens, c'était un peu des losers et puis au final. Et bizarrement ils sont tous devenus tous les deux des mange-morts, d'accord. Ils sont tous les deux devenus mange-morts, ils avaient quasiment le même âge, ils étaient unis par leur haine envers Sirius et James, donc ça aurait été facile pour eux de devenir amis et ensuite Régulus, pour une raison ou une autre. Décide que finalement ce serait bien que Voldemort n'arrive pas à ses fins. Voldemort tue ou fait tuer Régulus et du coup Sirius il est pas content parce que son patron a tué son meilleur ami. Il fait un choix, il choisit de venger son meilleur ami en gros. Et du coup il devient membre de l'EDP. Alors les théories sur Rogue, bizarrement ma théorie sur Régulus n'était pas juste. Moi je la trouvais bien pourtant. Bien. Non mais c'est surtout que tu y croyais vraiment énormément à celle-là. Ah mais moi j'y croyais. Je la trouvais bien. Non mais non, c'était pas crédible quand même, soyons honnêtes. Mais non, moi je trouvais qu'elle marchait bien. Pas amoureux de Régulus, il était amoureux mais de ça Lily. Je pense que tout le monde le savait voilà. Quoi. Je pense qu'il y avait un truc entre Lily et Rogue et que ça se jouait à ce niveau-là. Ah moi j'étais convaincu que Rogue était pas amoureux de Lily. En fait, moi ça m'énervait quand quelqu'un disait "Mais non, mais Rogue était amoureux de Lily." Tu disais "Mais non, trop pas." Ah bon. Alors que bon bah en fait évidemment là-dessus je m'étais complètement planté. Sinon dans l'ensemble quand même. Enfin bon au moins Rogue était effectivement gentil hein ça. Oui. À part Alice qui avait été torturée jusqu'à ce qu'elle dise que Rogue était méchant. on avait quand même compris. Donc j'y bon croyais on, pas une on seconde. Peut se dire ah ouais ça c'est bien qu'est-ce qu'on est fort alors on avait compris que Rogue était gentil comme tous oui, les Rogue autres. Rogue était gentil et il bossait pas pour lui tout seul quoi il bossait pas pour sa boss quoi. Il était pas, vraiment hein. Pour Dumbledore. Ouais, il était pas seul ouais c'était un vrai gentil un vrai de vrai. Jusqu'au bout. Okay. C'est un vrai héros, comme l'a dit Rowling cet après-midi. Eh oui. Oui, enfin bon, faut peut-être pas non plus pousser, mais... Je sais pas. Ah bah si, ah bah si. Reprends les paroles, hein. Il était amoureux et tout, c'est un héros, arrête. Enfin, d'un autre côté... Rogue amoureux, quoi, c'est un héros. Elle dit aussi que si jamais Lily n'était pas morte et si elle avait survécu, qu'elle avait élevé son gamin et tout, Rogue, il serait pas allé du côté de Voldemort, hein. De Dumbledore. Oui, et elle a dit aussi que Lily aurait pu tomber amoureuse de Rogue. Donc, quand même. Ça risque donc... Tu es fière de lui. Ouais, bon, ça va. Il y avait toutes effectivement des raisons de douter. Alors maintenant, on va passer à ce qu'on avait dit sur les couvertures. L'épisode 3, donc, c'est les couvertures, c'est la couverture anglaise pour enfants. Et on va faire en même temps une couverture adulte de l'épisode 4, je pense. Donc, ok. Enfin, le médaillon. Ah, est-ce que c'est un médaillon? Est-ce ou que pas. C'est une petite bourse qui a l'air fermée avec un petit nœud? Alors déjà, le Colisée. Déjà, pourquoi un Colisée? Bah, peut-être le département des mystères, à la salle du voile, il y a quelque chose qui pourrait être comme ça. Hein. Ouais. Mais pas avec un ciel comme ça, ils sont ah bah, effectivement, ouvert, c'est bizarre. Mais bon, c'est un ciel magique. À Poudlard, c'est... on voilà, voit le ciel hein, dans la grande salle. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose dans le département des mystères. Ouais, mais là, ça a vraiment. Sachant que dans le département des mystères, il y a des arcades, pareil. Il y a ce mystérieux gens, voile là, avec voilà, les deux rideaux qu'on a sur les deux côtés. Deux voiles, c'est déchiré quand même, donc. Oui, parce que je pensais que ça pourrait être des détraqueurs, parce que voilà une bonne idée de mettre fin à Voldemort. Mm-hmm. Les détraqueurs qui font le baiser, leur fameux baiser à Voldemort, surtout et comme ça, crux. Il leur aspire l'âme. Il faut un peu qu'il en reste. Il lui aspire, non, il lui aspire voilà le dernier fragment d'âme, et il se retrouve comme une coquille vide. Ce qui et serait ça, c'est super idée, parce que comme ça, c'est exactement ce qu'il dit, c'est pire. Donc pour Voldemort, c'est pire que tout. Et en plus, ça permet à Harry de ne pas être un assassin. Et personnellement, je pencherais plutôt pour l'elfe en moi fait, aussi. Parce que pourquoi il aurait un gobelin accroché dans son dos? Juste pour revenir sur les vêtements de Ron et Hermione, ça peut être leurs vêtements justement pour le mariage de Bill et Fleur. Ça, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Bah, moi en fait, là, l'impression que ça me donne, c'est que ça pourrait se passer à Gringotts et qu'il serait tombé sur les dragons. Et c'est pour ça qu'il y a cette couleur rouge de feu, ils regardent tous les trois dans une direction différente, un peu en l'air. La scène finale, moi je le verrais bien à Poudlard, quoi. La bataille finale à Poudlard, enfin. On se posait la question que c'était de savoir si c'était pas une nouvelle prémonition de Trelawney, quoi. Ou alors c'est la façon dont Harry a réussi à détruire le Horcrux en enfermant Nagini, ou je sais pas. Alors Harry n'avait en fait pas de torticolis à la fin. Donc... Non. J'ai quand même eu énormément de mal à savoir à quelle scène correspondait cette couverture. Hein. La couverture américaine, donc c'est en fait le combat entre Harry et Voldemort tout à la fin voilà, à Poudlard. Donc, oui, dans la grande salle. Mais où on disait finalement, que, voilà, c'est pas. On disait soit le département des mystères. Voilà, c'est pas le comité. Voilà, soit un endroit qu'on connaît pas du tout, bah tu parles. On y a passé des heures et des heures dans cet endroit. Ouais. Avec le Colisée et tout, cette salle un peu sphérique, ronde et tout, ben en fait, non, c'était la grande salle, on était carrément à côté de la plaque. C'est juste la grande salle. Mais pas tant que ça. Hein. Et c'était quoi qu'il avait autour du cou, finalement? C'était quoi alors, les détraqueurs, c'était bien les détraqueurs aussi, honnêtement. Les détraqueurs, moi, je trouvais ça aussi bien que la théorie sur Régulus. C'était pas vrai non plus. Non, c'était pas vrai. Bah, si, dans l'eau, il y a des détraqueurs aussi. Mais c'était pas mal. Dans l'eau, il y a des détraqueurs, il y a des élèves de Poudlard, il y a des membres de l'Ordre du Phénix, il y a tout le monde dans les gens qui le regardent. Ouais. Par contre, on avait proposé que le médaillon soit quand même autour de son cou, donc ça c'était vrai. Ouais. Mais non, mais justement, c'est ce que je demandais. Est-ce que c'est le médaillon ou est-ce que c'est l'espèce de bourse que Hagrid lui a donnée, parce qu'il a ça aussi? C'est pas le médaillon, hein. C'est la petite bourse pochette de Hagrid. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce qu'il a d'autres trucs, il a sa baguette cassée, il a d'autres trucs dedans. Ouais, c'est la petite bourse. Oui, il a le miroir de Sirius, il a plein de choses. Il peut finir avec un torticolis quand même, hein, avec un miroir et une baguette et tout. On n'était pas si loin en fait. C'est vrai, ça doit être lourd tout ouais, ça. C'est vrai, on ne sait pas ce qui s'est passé après la bataille. Hein. Peut-être qu'il a été cloué au lit pendant 3 jours. Et en parlant de bataille, on y était presque aussi parce que... Je crois que c'était Pruno et moi qui parlions un final à Poudlard alors que vous deux, vous étiez là. Non, faut que ce soit un autre endroit, enfin le Colisée là, c'est un autre endroit, ah, le département des mystères ou un endroit pas connu. Et enfin, je sais pas, Pruno et moi, on était pour un truc à Poudlard. Ouais, moi j'aurais bien voulu que ce soit à Poudlard, mais bon. Bah, j'avais très envie que par ce soit à Poudlard, mais ça y ressemblait tellement pas. Mmh. Bah oui, voilà quoi. Bah oui, Poudlard dessiné par Voldemort, après ça donne ça. En ruine. Ouais, c'est à peu près ça. Par contre, là, on s'est bien fait avoir, c'était... On avait dit non, sur le dos Harry, dans la couverture anglaise pour enfants, c'est pas un gobelin, c'est vraiment un elfe, regardez les oreilles comme ça et tout. Ah oui, alors en fait, ça, non, trop oui. pas. C'est... Non ah, seulement c'était un gobelin, mais c'était même un gobelin qu'on connaissait. Genre le seul gobelin qu'on connaissait, oui, en fait. Ribsec. Mais il y a beaucoup, beaucoup de forerunners qui pensaient que c'était un gobelin. Hein. Nous, on était à fond sur l'elfe. Ah oui, là, tout le monde avait compris, sauf nous. Ah oui, hein, tout le monde pensait que c'était un gobelin, en fait. Mais ça, c'était à cause du coffre, de tous les trésors. Tout le monde était persuadé que c'était un gobelin, un point. Sauf nous. Ils avaient raison. On avait reçu plein d'emails aussi, disant, mais si c'est un gobelin... Bah oui. Nous nous excusons, alors. Platement. Ah, désolé. Surtout que Dobby, là où il est, il aurait pas pu l'aider, mais bon. Toutes mes condoléances. Autre chose, contre, le dragon. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de choses, voilà, on cherchait plein de détails qui pourraient avoir beaucoup d'importance, genre le dragon, les habits de Ron et Hermione, toutes les différentes choses qu'on voyait dans le coffre à Gringotts et tout ça, et en fait tout ça n'avait aucune importance, c'était juste là pour faire joli. Non, rien du tout. On a parlé pendant combien de temps des habits? Combien de temps on a parlé des couleurs des habits avec le petit fiole sur la couverture? C'était surtout toi, Elise, qui était là en train de les habits, surtout en train de nous faire un speech, mais d'une longueur... Je sais pas combien de temps. Mais ouais, mais regarde, sur les autres couvertures, genre sur la couverture du 6, tout était important et là, c'était trop bizarre. Non, quoi. Bah non, finalement, non, rien. Juste peut-être à un moment, on a parlé des armures et donc on voyait un home et derrière, on en voyait encore un autre et bah finalement, il y avait... J'étais très déçue avec que cette armure ne serve à rien. Ouais, non, les armures ne servent à rien, mais à un moment, on disait qu'il y en avait plusieurs et qu'elles se ressemblaient toutes. Mais en fait, c'est quand ils sont dans le coffre et qu'elles se dupliquent, quoi. Oui. Donc voilà, c'est juste le point où on avait juste. Par contre, pourquoi deux fioles, une fiole violette et une fiole verte, et qui ont bizarrement les mêmes couleurs que les robes de Hermione et Ron? Mais ça, c'est juste pour faire joli, en fait. Ouais. C'est très frustrant. Oui, totalement. On a tellement l'habitude de trouver des indices partout que, voilà. Voilà. Sinon, il y avait aussi le symbole sur la tranche où on était carrément à côté de la plaque. En même temps, on pouvait pas savoir. Ouais, mais là, on pouvait pas deviner. Là, non, c'était indévinable, ça. Voilà. Deviner ce qu'était les Daffy Hallows, c'était pas la peine. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je pense qu'on va même pas mettre d'extrait de ce qu'on a dit dans le podcast 1 qui était sur ce qu'étaient les Daffy Hallows, parce qu'on avait plein d'idées, mais c'était impossible de deviner que c'était la baguette de Dumbledore et les choses comme ça. Enfin, il n'y avait pas moyen. Voilà. Ouais, ouais. Après, je pense que pas un fan au monde ne peut prétendre avoir dit « Mais si, regardez, le triangle, c'est la cape d'invisibilité de Harry !» Enfin, non. C'est clair. Enfin, si on a en tout cas, il faut qu'il se fasse connaître, hein, ça nous intéresse. Ouais. Avec les preuves. Mais apporter des preuves, hein. Preuves, ah, oui, avec des preuves. Hein. Voilà, donc dans la couverture aussi, il y avait Poudlard, donc ça, bon, il n'y avait pas de raison de douter. Et il y avait aussi la petite sphère avec Nagini. Donc on pensait que c'était prophétie du professeur Trelawney, ou sinon une prophétie toute simple comme il y a au département des mystères. Et, Bah finalement on était à côté de la plaque aussi. Hein. Mais on avait dit aussi que c'était peut-être Harry qui avait capturé Nagini. Donc finalement on n'était pas très loin. C'était Voldemort qui essayait de la protéger, mais au final. Oui, Alice, essaie de te convaincre que t'avais deviné, mais en fait pas du tout. Enfin, je suis désolée, mais personne n'y croit. Bon, en tout cas on savait que c'était Nagini. Ok, ok. Ah. On savait que c'était. Voilà, on savait que c'était Nagini, mais c'est tout ce qu'on savait, quoi. Voilà. Bah ouais, c'est ce qui est dessiné, quoi, en fait. Hein. C'est un peu un modèle comme Snape, le modèle du gars qui s'est rangé du bon côté, enfin, a priori. Eh ben, Lupin, c'est un peu pareil, quoi. Et donc, je pense qu'il faut au moins que lui survive. En plus, c'est un mec bien, il a une nana maintenant. Non, il veut pas mourir, quoi. Ouais. Il manquerait plus que sa nana meure, maintenant. Ah non. Non, elle ne le fera pas. Notre amie, Bellatrix Lestrange. Oh, elle va vivre. Moi, je la vois bien survivre, elle, finir sa vie en cachot. Ouais, moi aussi. Ouais, ou non, réussir à s'échapper, être la seule, finalement, des mange-mortes à réussir à fuir, un truc comme ça. Oh non, moi, je la recollerais bien dans Azkaban, quand même. Hein. Bon, évidemment, on fantasme tout sur le fait que Neville va tuer Bellatrix, parce que ça, ce serait la classe. Lucius, j'imagine qu'il est même capable de finalement réussir à s'en sortir, c'est-à-dire qu'il va survivre, mais en plus il va réussir à se faire pardonner, à réintégrer. Moi je le verrais bien s'en sortir. Ouais, complètement. Ça c'est pareil, c'est le cafard qui survit à l'explosion. Voilà, finalement. C'est ça. C'est le cafard, quoi. C'est, ouais. Alors, les morts dans le tome 7, on a proposé un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de méchants, quelques gentils à l'occasion. À un moment ou un autre, il va falloir que je le dise, donc je vais le dire maintenant. Harry a survécu, s'est marié avec Ginny, et encore mieux, on a appris aujourd'hui que Ginny travaille à la Gazette du Sorcier. Et alors, ça, c'est trop bien. Ouais. Fallait que je le dise à un moment ou à un autre, hein, je l'ai dit maintenant. Oui, c'est bon, tu es fier de toi, tu travailles avec Ginny. Mais elle est mariée, elle est mariée. Oui, mais elle travaille à la Gazette du Sorcier, et après, tu sais, tout est possible. Fais gaffe, Harry, il est pas commode, hein. Et il a tué des mages noirs, hein, méfie-toi. Attends, il a tué Voldemort, quoi. Fais gaffe, hein. Bon, bah finalement, moi j'étais pas donc, si loin, oui, finalement, sinon Rogue... avec mon hécatombe, là, que Pruno disait que j'étais une méchante. Oui, c'est vrai. Parce que tout le monde crevait à la fin, bah finalement, J'étais pas loin. Ouais, le coup des 4 maraudeurs qui meurent, de Tonks qui meurt en plus, ouais. Effectivement. Oh non, arrête. J'ai gagné. Par j'ai contre, gagné. On était. Par contre, ah, et Rogue est bien, bel et bien mort aussi. Oui, Rogue, oui, mais Rogue au sens, vraiment. Moi, j'aurais jamais cru. Hein. Par contre, on était persuadé que Bellatrix allait survivre. Mais on n'était pas persuadé. Bruno avait dit qu'il n'était pas sûr. Ouais, il était possible que Bellatrix survive pour qu'elle se retrouve à croupir à Azkaban. Un autre qu'on pensait qu'elle allait croupir à Azkaban, c'était Lucius, même si on se disait que. Ça, enfin, ah connaissant non, Lucius, il était possible qu'il s'en sorte blanc comme neige. Voilà. Enfin, comme ses cheveux. Ce qui est effectivement le cas. Celle-là, tu l'avais préparée à l'avance, je suis sûr. Mais même ouais, pas parfait. Même pas, je te jure. En tout cas, Lucius, et Drago, donc Drago survit aussi. Voilà. Voilà, Drago, Lucius, Narcissa, tout le monde. La petite famille. Et on avait prévu que... un des deux jumeaux allait mourir. Ça, ouais, enfin, on n'était pas sûr, c'était dans non, les possibilités. Non, non, on l'a pas prévu. On l'a pas prévu. On a dit que ce serait vraiment horrible. Ouais. On a émis la possibilité. Ouais, ouais. Honnêtement, moi, j'y croyais pas. Non, moi non plus, j'y croyais pas. Mais bon, finalement, on a émis la possibilité pour à peu près tout le monde. Oui. On a tous mis des options dessus, donc ouais. En fait, on avait beaucoup de chance de gagner. À chaque fois, c'est ouais, peut-être, peut-être. On ne sait pas, peut-être. Voilà. Comme quoi, tout le monde était susceptible de mourir, et ça, pareil, Rowling, elle était finalement assez contente qu'on se dise que tout le monde était susceptible de mourir. Personne n'était à l'abri dans le set. Même Harry. Elle nous a eu. Par contre, Neville n'est pas mort, et par contre, on pensait tous, enfin, pas tous peut-être, mais que Neville allait tuer Bellatrix. Non, moi, je pensais, j'avoue. Ah, et ah, oui, c'est finalement, vrai. Bah, t'es convaincu de ça ? Non, grosse surprise à ce moment-là. Je m'attendais. Ouais, et quelle surprise, hein. Il tue Ginny à la place, c'est beaucoup moins drôle. Oui. Oui, mais qui tue Bellatrix ? C'est Madame Weasley. Et quelle surprise ! Ah, Madame Weasley était grandiose. Ouais. Ça, c'était bien. Ouais. Ouais. Ouais. J'ai eu peur pour elle sur le moment, mais c'était bien. C'était, classe. Sinon, la mort de Petit Gros, bah, on était loin de s'en douter aussi, quoi. On pensait tous que quelqu'un allait le tuer, ouais, ou pas je de sais cette pas. Manière. Bah oui. Oui, c'est ou alors qu'il allait mourir avec une tapette géante. Aussi. Mais non, mais non, finalement, c'est sa main qui le tue. Et il y a la mort de Voldemort aussi. Je crois que personne n'avait prévu que ce serait à nouveau comme ça, un sort qui se retourne contre lui et tout, qui du coup évite à Harry d'être meurtrier, etc. On avait essayé d'éviter qu'Harry soit meurtrier. On avait proposé, par exemple, que ce soit les Détraqueurs qui s'en occupent ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais le coup de, en fait, Voldemort qui se tue lui-même parce que c'est la baguette, machin, etc. Voilà. Cela encore. Ouais, mais voilà, encore une fois, on n'avait pas deviné ce que c'était les Deathly Hallows, donc on pouvait pas. Enfin, c'est impossible de deviner ça, quoi. C'est vrai. Et on pensait que Lupin allait tuer Greyback. Finalement, il survit celui-là. Arrêtez. Plus, pauvre Lupin. Sachant que c'est Lupin et Tonks, quand même, les deux morts supplémentaires, hein, les pauvres. Au dernier moment, on ne parle pas de ça. Ah, les pauvres. Alors maintenant, le moment où on va se mettre vraiment ridicule, c'est donc l'épisode qui a été enregistré dans la queue à Londres. Non, il reste l'épisode 6 avec le dragon, non ? La couverture de... On en a déjà parlé, non ? Non. Oh, on en a parlé du dragon. On n'a pas parlé du dragon. On a parlé de la couverture anglaise et américaine. Donc déjà on se casse pas. Moi j'en ai parlé mais on n'écoutait pas. C'est ce qui attire le plus l'attention. Il y a trois théories qui courent là-dessus, je pense. Donc il y a celle où ce serait Norbert, donc le dragon de Hagrid qu'on voit dans le livre 1. Ensuite il y aurait une théorie comme quoi ce serait un dragon de Nouvelle-Zélande. Opaleuil des antipodes, ça s'appelle. Voilà, exactement. Et la troisième théorie, ce serait que ce serait un vergalois. On passe donc maintenant à l'épisode 6, où on parlait de la quatuor de luxe de Scholastic avec le dragon. On était... En gros, on a énuméré tous les dragons possibles, sauf ceux de Gringotts. Mais je sais pas pourquoi on les a oubliés, ceux-là, quand même, hein. Je sais pas, on le savait. Non, mais on l'a vaguement dit, on a vaguement parlé de Gringotts. Non, on n'a pas parlé du tout. On a reçu un email en parlant de ça après. Vous êtes sûr ? Ah non, mais je l'ai réécouté cet après-midi et je te jure, on n'a pas parlé de Gringotts du tout dans cet épisode-là. Rien du tout. Mais après, on nous l'a fait remarquer et on avait honte de ne pas en avoir parlé, mais on n'y a pas pensé. Exactement. On est vraiment nuls. Et je sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé. C'était quand même évident. Ouais. Donc, parce que les dragons les plus proches, ils sont là. Ça me paraît tellement évident. Bah oui. Ouais, donc ce n'est pas Norbert, enfin Norberta, ni un dragon de Nouvelle-Zélande. Norberta. Ni un Vergalois, c'est rien de tout ça. Non. Ouais, donc encore une fois, on s'est mis là. Voilà, et ils n'arrivent pas à Poudlard. Qui a aucune importance en plus, qui sert à rien. Et tout le paysage derrière, c'est rien du tout. Ils sont pas sur le point d'arriver à Poudlard parce que le dragon est en phase descendante non plus. Ça, non. Désolé. Et puis on s'en fiche que ce soit l'aube ou le crépuscule. En fait. Beaucoup de théories pour rien en fait. Mais bon, c'était amusant sur le coup. Hein. Beaucoup de mots, ouais. Ouais. On avait quand même ça compris même que genre c'était un dragon qui était ensorcelé. On avait dit un Imperius. Bon, c'était pas tout à fait ça, mais. Ouais, non, d'accord, je suis pas con. Ouais, il y avait quelque chose, quoi. Non, là, cet épisode-là, on a été assez mauvais. Alors, vas-y, Sandro. Alors, comme l'auteur voudrait pas que ce soit repris par n'importe qui plus tard, il faudrait qu'elle ait une fin quand même assez... faudrait pas que Harry survive, à mon avis. Et ma théorie, mais c'est discutable avec vous qui vous y connaissez bien, ce serait que Harry pourrait être un Horcrux. Alors ça a été beaucoup discuté. Non, ça n'a pas été démenti. C'est une grande théorie. Alors, tiens, ça c'est une très bonne question à poser à la foule. Votre attention, est-ce que Harry est un Horcrux ? Non ! Ah, t'es en minorité. Est-ce que t'as des arguments à nous donner pour ça ? Oui. Non, on va pas parler de ça, je crois. C'est la... Top. La honte. Non, mais à notre décharge, on n'était pas tout seul. Ça, oui, non, mais, alors, je tiens par exemple à m'excuser auprès de. Tout le monde dans je sais même pas bateau. Qui c'était, mais il y a donc un jeune homme qui est venu qui a dit: ouais, est-ce que vous pensez que Harry peut être un Horcrux et tout? Et on s'est lié. Enfin. Non! On était là, mais non! Et on s'est lié contre lui, hein. Non, mais faut dire que ça a été amené d'une façon différente, quoi, parce que Voldemort savait pas que c'était un Horcrux, donc. Là, ça passait, quoi. Ah, c'était pas la première fois qu'on parlait d'un Horcrux involontaire non plus, hein. Moi-même, ouais, le Horcrux involontaire, j'y croyais pas. J'ai pas suivi cette théorie-là parce que. Ouais, bah j'ai pas tellement suivi ces théories-là parce que j'y croyais pas une seconde. Après. Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc là, le coup de Harry est un Horcrux, ça m'a bien étonné. Mais en plus, quand je l'ai lu, j'ai fait: mais non, c'est pas un Horcrux. Oui, mais c'est surtout parce que. Enfin, moi, je me suis dit pareil: non, c'est pas un Horcrux, parce que si c'était un Horcrux, j'étais persuadée qu'il était obligé de mourir derrière. Donc je dis non, c'est pas Horcrux, bah oui. Pour pas qu'il meure. C'était le but. Bah voilà. C'était le but. Donc là, pendant, mais quoi, un chapitre, deux chapitres, j'étais persuadée qu'il allait mourir. Et puis, allant à la mort, comme ça, dans la forêt, je dis non, je peux pas aller à la mort et mourir. Non, ça, c'est ça. Il y a des grandes réflexions le soir vers 4h, 5h du matin, comme ça. Non, c'est pas possible. Rentre en pleine réflexion, voilà. Et oui, rentre en plein réfléchi. Et comme quoi, oui, Harry est un Horcrux. Désolé. Bon, bah, on va conclure peut-être. Oui. Bah... Hein, à moins que vous ayez encore voilà, en une gros, théorie dont tort, vous souveniez, sur laquelle on s'est planté. Dans l'ensemble, on avait juste sur les choses que à peu près tout le monde avait juste. Hein, genre, Rogue est gentil, Neville devient professeur de botanique à Poudlard. Et. Ça se limite à ça. Si, le combat final à Poudlard, ça on était à moitié juste. Et voilà. À part ça, bah, dans l'ensemble, on s'est quand même pas mal trompé. Mais ce qui était marrant, c'était aussi de faire toutes ces théories et qu'au final, personne n'avait deviné ce qu'était les Deathly Hallows. Personne n'avait deviné exactement tous les détails de la connexion entre Harry et Voldemort. Même les gens qui disaient si Harry est un Horcrux, j'ai jamais entendu personne me dire si ce qui marche, ça marche comme ça à cause de la double connexion et machin. Double connexion, j'ai jamais entendu personne le dire par exemple. Donc au final. Non, mais c'est très bien qu'on n'ait pas tout deviné, c'est très bien quoi. Ça voilà. Pas été marrant. C'est ça qui est génial, c'est que personne n'avait deviné, c'était ça le but aussi de J.K. Rowling, c'était que à la fin on soit surpris par la fin, qu'on puisse faire plein de théories et que la seule qui soit juste, personne n'y ait jamais pensé. C'est sûr que dans le chapitre Le récit de Rogue, là on avait à peu près tout deviné quand même. Hein. Pas Pétunia, on n'avait pas imaginé Pétunia. Non, moi j'avais pas oui, qui jouaient ensemble et tout dans leur enfance, mais sinon, bon, en gros, les grandes lignes on les avait. Hein. Oui, c'est vrai. Au moins ça. Mais bon, elles étaient faciles. Donc, sauf Régulus de... Mais là, t'étais tout seul, hein. T'étais tout seul. Donc, je propose de distribuer des fouets pour l'autoflagellation. Non, et alors, en plus, moi, je voulais te dire, je crois qu'il y a une théorie dont j'ai jamais parlé sur le podcast, et apparemment, heureusement, j'avais une grande théorie sur laquelle Albus Dumbledore avait été élevé par des centaures. Je sais pas si j'en ai parlé à un moment ou à un autre. Non. Ça, le fait de te taire. Vas-y, raconte, c'est vachement drôle. Bon, voilà, donc, maintenant que je sais que c'est complètement faux. C'est le moment, lâche-toi. Je trouvais que ça marchait bien. Donc, je me doutais qu'il y avait des trucs bizarres dans l'enfance de Dumbledore. Et je proposais donc que, on sait que Dumbledore c'est un grand sage, mais en même temps il est toujours un peu bizarre, il est toujours un peu dans la lune, etc. Il me faisait un peu penser à des centaures. Comme en plus il est très différent de son frère est apparemment totalement débile, enfin il l'est très peut-être. Du coup, ça me faisait penser que, peut-être non mais c'est vrai, il est pas sûr que Balfour sache lire. Du coup, je me disais, ça se trouve, ils ont pas été élevés ensemble, parce qu'ils étaient orphelins, et du coup, ce qui se serait passé, c'était que Balfour aurait été élevé, disons, par l'équivalent des Dursley. Alors que Dumbledore, lui, aurait été élevé par les centaures, ce qui explique d'une part sa grande connaissance du monde magique, d'autre part ses idées loufoques, et enfin, pourquoi est-ce qu'il est si attaché à la protection de, des centaures, et du coup des moldus, des ailes de maison, etc. Bon, ça suffit, ça suffit, un peu bizarre. T'avais tort. Voilà, je la trouvais bien comme théorie, j'en avais parlé, il était temps que je le dise, elle est totalement fausse, totalement ridicule, mais c'est pas grave, je l'aimais bien. T'es en train de t'enterrer, alors je te propose une pelle avec ton fouet. Voilà. Enfin bon. Les documentaires moldus. Donc les documentaires moldus. Donc pour cette rubrique, on va vous parler de Poudlard. Poudlard dans les films. Donc dans les 5 films, c'est ça ? Oui. Du premier jusqu'à l'Ordre du Phénix. On va avoir du mal à parler de ce qui se passe dans le 6 et le 7 vu qu'ils sont pas encore sortis. Donc je pense qu'on va s'arrêter à l'Ordre du Phénix effectivement. Déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Poudlard, dans les films 1 et 2, donc, qui a été fait par Chris Columbus, c'était un certain décor. Et ensuite, dans le 3, Alfonso Cuarón est arrivé, et il a tout changé. Enfin, pas tout, mais il a changé beaucoup de choses. Il a déplacé beaucoup d'éléments, il a créé un univers encore plus complexe, qui ensuite était tellement bien qu'ils l'ont gardé par la suite. Ce qui fait, par exemple, dans le film 3, on a la cabane de Hagrid qui a complètement changé, par exemple. Ouais, elle est en bas d'une colline. Alors, bah, une colline. Et il a fait quelque chose de. Moi, je trouve que, à partir du film 3, Poudlard a beaucoup plus une âme. Il y a beaucoup plus de. Plein de choses partout. Et on sent plus que c'est quelque chose qu'on peut explorer. Ou il y a des choses à découvrir. Il y a cette espèce de couloir découvert, là. Qui revient dans les trois derniers films. Ah oui, dans le film 5, ils essaient de trouver. Voilà, ils sont là à discuter de où est-ce qu'ils vont. Ils vont faire les cours. Dans le 3, ils sont avec. Harry et Lupin. Avec Lupin. Dans le 4, ouais, ils parlent. Ils discutent. Avec Cédric, la conversation et Hermione, avec Hermione, voilà. Et tout là, et Cédric. Donc ils reprennent vraiment. C'est le couloir qui mène à Pré-Hollard. C'est le couloir d'entrée pour rentrer dans le château, je crois, celui qui mène de l'extérieur à l'intérieur. Je sais pas exactement, mais. Moi, j'ai l'impression que c'est le couloir qui va de. Qui en fait, va de. J'ai plus l'impression que c'est un pont. Moi, pour j'ai moi, c'est un pont. Qui va pont, de la salle de la cour, pardon, où Drago se fait transformer en fouine. À l'endroit où dans le film 3 Hermione donne un coup de poing à Malfoy. Ouais, ça relie les deux. En tout cas, d'accord. Je suis quasiment certain que ça aboutit à l'endroit où Hermione donne un coup de poing à Malfoy, parce que dans le jeu vidéo 5 c'est comme ça. Pas loin de chez Hagrid en fait. Ouais. Et je dirais même mieux, ensuite, ça va. Ça descend jusqu'à chez Hagrid. En fait, non c'est un pont, ouais. C'est un pont qui va de l'endroit où Hermione donne un coup de poing à Malfoy et donc la cabane d'Hagrid en contrebas à l'endroit, en fait, cette espèce de petite place où il y a McGonagall qui leur annonce. Sirius et McGonagall qui leur annonce. Oui, alors ceux qui ont leur autorisation peuvent aller après au lard, machin. Ouais, c'est et ça, c'est ouais. Là où on voit McNair aussi, le bourreau, dans cette espèce de petite place là. En tout cas, dans les livres, ça existe. L'endroit pas. Où. Mais il est chouette. L'endroit où Drago s'est fait transformer en film. Par contre, on le voit que dans le 4. Ils sont pas retournés filmer là-bas. Non, ils sont pas retournés. Mais par contre, Rantanplan et moi, on est allés sur le lieu du tournage. Oui, c'est vrai. De même c'est pour vrai. Ensuite on a même piqué des feuilles du chêne. Oui, mais j'allais finir, c'est que quand on y allait avec Rantanplan, on a ensuite on a même été explorer l'arbre pour essayer de savoir quel type d'arbre oui, c'était. Oui, et ben moi j'ajoute quand je suis allée avec Rackham que je me suis même écorché le bras sur cet arbre. Oui, parce que toi t'as essayé de grimper sur l'arbre, c'est la différence. Non, on a essayé de faire une photo, voilà, il fallait Arnaud courir. Elle a fait son drago, elle est montée sur l'arbre. Mon drago, elle a fait, c'est fou, c'est bien. J'ai fait ton drago. Enfin. Sinon, dans Poudlard, on voit aussi à partir du 3 une espèce de grand balancier de pendule. Alors pareil, ça n'existe pas dans les livres, mais je trouve ça ouais. assez classe. Dans le 3, ça va bien parce qu'il y a l'histoire du retourneur de temps. Donc c'est vrai que bon, ça colle bien à l'esprit du 3. Après, ils l'ont quand même gardé. On a l'impression que c'est pas tout à fait au même endroit. Enfin, tu parles de parce que dans le 5, c'est l'espèce de pendule qui est derrière Ombrage pendant les buses. Les buses. Parce que dans le 3, on dirait que c'est très haut dans le château, que c'est derrière une espèce de vitre. Je sais pas si c'est au même endroit. Oui, alors moi j'ai l'impression que dans les buses, on voit le bas de cette pendule et que tout en haut, c'est le haut de la pendule. Que c'est un truc tellement immense qu'on peut voir à la fois le tout en haut et tout en bas. Mais tout en haut, tout en bas le haut du balancier serait à l'étage là et le bas du balancier serait dans la salle où il passe les buses. D'accord. Moi je sais pas, ce truc je le voyais plutôt à l'entrée là, juste à côté de la cour, donc où McGonagall fait son annonce et où il dépose Sirius. Et en fait après c'est ça serait plutôt par exemple dans le livre ça correspondait. Enfin moi je me faisais plutôt à l'idée que c'était là où se trouvaient aussi les sabliers qui sont juste à l'entrée en fait. Et après ça te donne sur la qu'on grande a jamais salle. Vu d'ailleurs, c'est dommage. Non on n'a jamais vu les sabliers, ouais, c'est dommage. Non, mais ça pourrait être ça, quoi. Et du coup, je doute qu'on les voit jamais, parce que dans le 6 et le 7, c'est pas non plus très important. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas... C'est pas le même escalier qui revient dans le premier, l'escalier devant la grande salle, et dans le 4, quand Hermione, ils sont au bal, c'est pas le même escalier, là. Non. Non, devant la grande salle, non, c'est pas le même. Mais par contre, le grand escalier, lui, on le revoit à chaque fois. Et moi, c'est un escalier que j'adore. D'ailleurs, je l'ai déjà dit. Les escaliers avec les escaliers qui bougent quand ils montent dans les étages. Oui, ça revient. Voilà, celui-là, je trouve splendide. J'ai dit d'ailleurs que c'était mon moment préféré dans le film 1, c'est ce moment où on voit ces grands escaliers qui bougent dans tous les sens avec tous les tableaux sur le côté. Ouais, ça, on le voit à chaque fois. Dans le 5, on le voit encore. Par exemple, on voit Ruzard qui enlève les tableaux à un moment dans ce grand escalier. Et Harry, après sa vision de Sirius dans le département des mystères, qui monte l'escalier pour rejoindre le bureau de Ombrage. Je trouve que c'est vraiment ce qu'ils ont le plus réussi dans tous les films, en fait, c'est cet escalier qui va dans tous les sens et on s'y perd vraiment, quoi. Ça fait un grand labyrinthe. Ok. Sinon, d'autres parties du château, je sais pas, par exemple les cachots, non ? À chaque fois. Cachots de drogue. À part le bureau de drogue, on voit pas beaucoup de choses. Le bureau de drogue change quasiment à chaque film. C'est vrai qu'il est très classe dans le 5, mais bon, il change à peu près à chaque fois aussi. Par contre, celui du professeur de défense contre les forces du mal, là. Oui, il change à chaque fois, mais ça, c'est logique. Ouais, mais je crois que le bureau de Dumbledore, ça reste aussi, quand même. Oui, le décor de base est le même, hein. Il y a toujours cet escalier au fond. Ouais. Qu'on retrouve partout, juste il y a par exemple Bacon. Ah ouais, le bureau de la batterie, il y a la classe. Avec c'est tous clair. Les petits objets et tout. Il y a juste Fumsec qui a pas la classe en fait. Non, des fois il a la classe. Quand tu regardes la fuite de Dumbledore dans le 5, là Fumsec il a la classe. Quand il ressemble à l'espèce de poule plastique. Il a pas la classe. Là il a pas la classe, non. Non, c'est sûr. La cocotte en plastique, c'est sûr, non. Non, là je trouve où quand Poudlard a la classe, c'est quand même dans le film 1, quand ils arrivent avec les petites barques et Hagrid. Et on voit Poudlard dans le fond. Ça, pour moi, ça a été la première vision de Poudlard. Et je trouve que ça ressemble à une cathédrale géante. Parce que, enfin, autour de moi, des gens qui n'avaient pas lu Harry Potter me disaient « Oh, Poudlard, ça ressemble à une cathédrale. » Et non, là, je trouve que c'est pas mal rendu. Même si, on trouve que Poudlard a plus d'âme après, je trouve que la première vision dans le premier film est quand même pas mal. Oui. Ça fait vraiment château gigantesque. C'est joli. Les vues aériennes sont pas mal, en fait. Oui, dans le 4, par exemple, quand ils volent avec l'hippogriffe et qu'on voit le château, quoi, de vue aérienne, il est pas mal. Et dans le... Exactement. Dans le 2, quand ils arrivent en fond dans l'Anglia aussi. Ouais. Dans le 5, est-ce qu'on a une vue aérienne? Ah si, avec les sombrales, non? Justement, je crois pas vraiment. Quand ils survolent, non? Si, on le voit dans la bande-annonce, vite fait, je crois. Ouais, mais je crois qu'on le voit de loin, en fait. Il est déjà derrière eux. Ouais. Par contre, bon, il y a dans le 4 contre le Magaillard à pointe. Mais bon, cette scène-là est tellement téléphonée que bof. Ah bah c'est très bien fait, quoi. Enfin, moi j'ai eu un petit peu de mal avec le combat contre le Magaillard à pointe. Mais bon. Ouais, mais bon, après il était censé servir de son balai, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, il détruit à nouveau le pont qu'on parlait au début, là. Ah, voilà. Oui, à un moment, il essaie de pas passer, de... là, au milieu, et ouh. Il passe par ce pont-là, ouais, il le défonce. Ouais, mais Flitwick, un coup de baguette, et puis c'est fini, hein. pas de problème. Non, le pont, par contre, c'est vrai que je trouve que c'est une belle trouvaille. Des films. Et sinon, la salle sur demande, dans le 5. Ah ouais. Non. Bah, on la voit pas la salle avant, sur demande. Là, c'est... Ah non, on la voit pas avant, donc on peut pas comparer, mais elle est pas mal quand même. Je l'imaginais pas comme ça, mais elle était pas mal. Ouais, moi non plus, je la voyais absolument pas comme ça, mais vraiment pas du tout. Et bon, bah c'est pas mal, quoi, finalement. Ouais, elle est, elle correspond elle est pas tout à fait à ce qui est décrit dans les, les livres, mais bon, ça c'est pas grave. Il y a pas la statue à côté. Voilà, normalement, il devrait y avoir genre plein de livres pour Hermione et tout ça. Ouais, et puis des coussins partout, ça doit être un truc un peu super confortable. C'est surtout parce qu'ils sont censés tomber tout le temps, donc les coussins, c'était utile. Ouais. Mais là, ouais, ça fait vieille salle pourrie avec ses plaques rouillées, quoi, vieille vieille usine, quoi, ça fait... Par contre, j'adore la phrase de Harry, c'est comme si Poudlard voulait qu'on se batte, quoi, quand il découvre la salle. Ça, c'est pas dans les livres, mais j'ai trouvé que c'était sympa, la phrase. Oui. Ça faisait très esprit. C'est Ron, non ? C'est Ron qui demande des WC aussi au tout début quand Hermione. Ah oui. Mais les WC ils apparaissent ou pas? Parce que il m'a pas semblé les voir, quoi. Enfin, je sais pas, elle dit charmant Ron. Non, je crois pas. J'ai pas fait gaffe si les WC apparaissaient. Non, mais je crois pas qu'ils apparaissent dans la salle. Je pense que Ron se demande que si jamais il avait besoin de toilettes, est-ce que ça serait des toilettes qui apparaîtraient? Tu vois? Ça, c'est une référence au tome 4. Oui. Dans lequel Dumbledore dit que... Oui, bien sûr. Mais par contre, justement... alors, moi, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre, par contre, c'est quand Ruzard essaye de les choper et de les attraper, et là-dessus, il court avec, je crois, Drago, Crabbe et Goyle ou un truc comme ça. C'est la brigade inquisitoriale. Ouais, voilà. Et il tombe dans un placard à balai. Mais il devrait même pas tomber dans un placard à balai, vu que les élèves de l'armée de Dumbledore sont déjà dans la salle. Ouais. Ils devraient tomber sur rien du tout. Mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment repris le truc du livre de passer trois fois dedans, ni devant, ni pensant. Ils ont fait un truc très simple, quoi. C'est pareil quand elle vient défoncer la porte, Ombrage. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est clair. Enfin, voilà, on dirait qu'elle balance une bombe, mais normalement, ça devrait pas marcher, quoi. Donc, ils n'ont pas repris. Ils n'ont pas repris complètement. Et je les ai trouvés pas très discrets non plus aussi, parce que d'habitude c'était un peu aller en catimini dans la salle, tu vois, en se cachant et tout. Alors que là ils passent vraiment devant en train de les narguer. Clairement. C'est pour ça que très vite ils savent, enfin la brigade inquisitoriale sait qu'il y a une salle là, mais ils n'arrivent pas à l'ouvrir, quoi. Leur seul problème. Mais sinon la salle est pas mal, je la trouve esthétique, elle est classe. Sinon la forêt interdite qui revient aussi dans... Moi ce que j'aime bien c'est qu'on voit que la forêt est absolument immense, on a l'impression que vraiment Poudlard possède énormément de terre autour, ce qui permettrait donc a priori d'éloigner les Moldis. Ouais. À chaque fois qu'on a une vue aérienne, on voit énormément de forêt derrière et un paysage très écossais en fait, de beaucoup de verdure avec et tout ça. Avec un grand lac pas mal. Aussi, ouais. Le lac il est immense. Ça m'a toujours étonné ça. Ah ouais, parce que pour moi les livres ils disent qu'ils peuvent faire trois fois le tour du lac ou je sais pas en une journée, puis là tu te retrouves avec un lac mais monstre géant quoi, et s'ils font trois fois le tour ils en ont pour une semaine genre. C'est clair. Donc, déjà une fois le tour ils en ont pour une semaine. Ouais, là le lac est vachement plus grand dans le film. Mais c'est plus réaliste aussi. Mais il est très joli. Ouais, c'est plus réaliste, c'est plus grandiose en fait. Ouais, parce que l'autre en fait il y a plus de place pour rentrer un calamar là-dedans. Parce qu'en fait dans les livres ça serait pas un lac, ça serait peut-être une espèce de grande mare plutôt qu'un lac vraiment, que là c'est vrai que c'est un joli lac. Non, je ne critique pas le lac du calamar géant, je dis que c'est peut-être un étang. Et l'intérieur de la forêt, on la voit quoi dans le premier, le cinquième? Alors par contre l'intérieur de la forêt dans le 1 est... Le 1 et le 2. Dans le 2, ah oui, le 2, on la voit aussi. Le 1, le 2. Bah, si. Le 1 aussi, ouais. Le 1 aussi, 4 aussi, on la voit. Donc, ouais, il va voir Voldemort. Les araignées. Dans voilà, le 4, on voit aussi. Est-ce qu'on la voit souvent, mais. Ah, mais dans chaque épisode. Ouais. Si, et en fait, ça se ressemble à chaque fois. Quand avec le loup-garou. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle ressemble pas du tout à une forêt, cette forêt. Il n'y a pas de sous-bois. Il n'y a pas de fourré, il n'y a rien. C'est normalement, dans une forêt, tu as des chemins au milieu de petits arbrisseaux, de houx, de trucs qui sont pas plus grandes que la taille d'un adulte, quoi. Et ensuite, il y a les grands arbres. Là, il n'y a que des grands arbres. Ça commence tout de suite comme ça. Il n'y a pas de fourré. Mais moi, j'aime bien, ça fait vraiment le truc tranché. Quoi. Il ne s'accroche pas le pull avec les ronces et tout. On s'accroche toujours le pull avec les ronces. Et là, c'est bien dégagé. Quand ils sont au bord du lac, justement, avec la scène, Sirius, Harry et les Détraqueurs, et les petits galets, là. Ok, ça, d'accord. Mais le reste, c'est vide. Et dans le 1, c'est pareil. Dans le 2, c'est pareil, c'est vide. Ouais, mais moi j'aime bien parce que c'est vraiment, il y a que ces grands arbres, c'est super sombre en fait. Ça, c'est assez sympa. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça fait assez effrayant, comme pourrait être beaucoup plus effrayant que s'il y avait juste des ronces. Eh ben, ça fait moins effrayant quand... Oh bah non, attends, des ronces, c'est super effrayant. Tu peux voir des... Oh, c'est... non. Attends, une vraie forêt, c'est super effrayant. T'es déjà allé... Rakam, es-tu déjà allé dans une forêt la nuit? Eh ben, c'est super effrayant. C'est toujours des bruits. Oui, c'est super effrayant, mais pas à cause des ronces. C'est cool. Ouais, c'est les petits bruits bizarres. C'est à cause des bruits que t'entends autour de toi. C'est vrai, c'est vrai. Par contre... Une bestiole qui... C'est pas super effrayant quand on voit Luna et les sombrales. Alors bien sûr, cette scène est uniquement faite pour les films, mais elle a l'air accueillante, cette forêt. Oui. On peut même marcher pieds nus dans les ronces. Je pensais la même chose. Bah ouais. Ouais, mais c'est une sorcière. Ouais, parce que vous avez remarqué, en plus, Harry lui demande pas si tes pieds, ça te fait pas mal de marcher pieds nus dans la forêt interdite. Tu lui demandes si ça lui fait pas froid, quoi, aux pieds. T'as pas froid. Donc, oui. Oui, en fait, il est aussi bizarre que Luna. Alors, pour passer à un endroit un peu plus accueillant, il y a quand même encore les dortoirs et la salle commune dont on n'a pas parlé. La salle commune où ils peuvent mettre la radio. C'est sympa quand même. Et les dortoirs, honnêtement, ils s'emmerdent pas. C'est quand même assez joli avec ces grands lits à baldaquin et tout. C'est pas un petit dortoir de petit internat de province, quoi. C'est Et puis il y a toujours l'espèce de chauffage là, comment ça s'appelle, qui est au le milieu. Le poêle, voilà. Non, dans le 1, il n'y a pas de poêle. T'es sûr? C'est à partir du 3, je crois, qu'on en voit un. Ouais. Ah, d'accord. Dans le 1, je crois pas. Pour moi, le 1, c'est bien, bien vide, tout bien rangé et tout. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on reconnaît vraiment la forme de la tour. C'est censé être dans la tour de Gryffondor et on la voit vraiment bien, cette forme de tour. Ouais, et ça a toujours été comme ça. Pareil, dans la salle commune, on voit toujours les tapisseries. Et je crois qu'on voit les mêmes tapisseries tout du long. Enfin, moi, il y a certaines. Moi, il y a une tapisserie qui m'a marqué dans le 1 et j'ai l'impression que je la vois toujours, cette même tapisserie. En fait, moi, c'est ce que je préfère dans Poudlard, dans les films, c'est. D'une part, cette continuité qu'il y a dans les décors, surtout quoi des trois derniers, et d'autre part, le fait qu'il y a tous ces petits détails derrière, comme tu dis, les tapisseries par exemple, qui sont toujours vivants, où on voit les fantômes qui arrivent en train, qui défoncent la fenêtre quand ils sont en train de jouer à la balle, et ensuite la fenêtre se reforme derrière eux, etc. Oui. Ouais. Et il y a donc en permanence ces détails qu'on retrouve à chaque fois et que j'aime beaucoup, qui font très Harry Potter, Tragique Caroline. Non, il joue avec sa tête parce que c'est un chasseur sans tête. Sa tête, c'est les. Oui. Les chasseurs sans tête. Il joue carrément avec la tête. Enfin, je sais plus. C'est le club des chasseurs sans tête où Nick peut pas rentrer. Ah oui, non, mais alors, moi je pensais au film 1 en fait. Mais enfin bon. C'est pas grave. Le grand hall alors en fait. Enfin la grande salle quoi. Pour finir. Oui, la grande salle. Ouais, la grande salle. Avec son plafond magique. La grande salle. Ouais, y a pas grand chose à dire là-dessus. Elle est bien. Voilà, elle est belle. On est d'accord. Elle est belle. Elle est bien comme dans les livres. J'aime bien. Ouais, c'est vrai. Le plafond est bien. Oui, le plafond est bien. Il y a les 4 tables, la table des professeurs, le plafond magique. Ouais. Au moins, si vous avez l'occasion d'aller à Christchurch à Oxford, vous verrez ce qu'a inspiré la grande salle. Voilà, et je fais une visite guidée. Oui. Oui. Avec Rakam en personne. Reste à quoi, Fafla, que tu viennes un de ces jours, hein, pour visiter tout ça. Ouais. Ok. J'accepte l'invitation volontiers. Et on va s'arrêter là, donc. C'était Poudlard dans les films. Merci. On arrive à la fin de ce 11e épisode. La moitié du temps, on est en Potter Watch, l'autre moitié en rythme. On s'est un peu trompé sur les pseudos, désolé. Alors, on va essayer de reprendre, de redresser la barre. Avec nous ce soir, nous avions donc... Rentre en plan, on sait plus, hein. Tu mets du temps à réfléchir que c'est à moi qu'on parle. Rentre en plan, c'est normal, je suis lente à la détente. Normal. Bon, Red Hot Chili. Alors, rentre en plan, déjà ça c'est bien. Il y avait Rastaquer, c'était moi. Et moi, Rakam le Rouge. Alors, le prochain épisode sera sans révélation, mais même si vous avez lu le tome 7, vous pouvez tout à fait l'écouter, ce sera peut-être intéressant par moment. Ah si, mais ça sera intéressant, du moins pour les documentaires moldus, et puis pour les autres briques. Oui, ça devrait être intéressant. Mais si jamais c'est pas intéressant, vous pouvez nous envoyer des messages haineux. On réitère l'invitation. Voilà. Envoyez-nous des messages haineux sur Skype, la Gazette des Sorciers. Voilà, non, gazette-du-sorcier sur Skype. Sinon, voilà. L'adresse mail, c'est rtm@gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez envoyer du texte ou des fichiers MP3. On aime bien qu'on nous écrive, honnêtement. Et sinon, il y a toujours le forum, qui est donc en bas du forum de la Gazette du Sorcier. Merci, Rakam. Voilà. Le Merci. Moment est venu aussi que j'annonce que, a priori, le 12 août, même si c'est à confirmer, il y aura, pour les auditeurs québécois, donc à Montréal... Je serai à Montréal, donc moi c'est Rakam le Rouge. Il y aura aussi d'autres auditeurs de la Rythme, d'autres membres de la Gazette. Les détails se passent donc sur le forum de la Gazette du Sorcier, comme d'habitude. Ce coup-ci, dans le forum général, il y a un sujet qui s'appelle Sortie Gazette au Québec. Et donc il y aura en fait deux sorties. La deuxième, le 12 août, on enregistrera pour la RITM. Il y aura des jeux, des discussions, voilà, ce sera bien. Alors si vous voulez entendre un peu des accents québécois sur la RITM, c'est l'occasion, venez participer.